هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. هبت نفحات أنسية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بن فريه ابن سير دنيا c'est une place de test. Dans sa dunya là, dans sa limon là, nous pas pour gagner seulement le bien, donne-nous la vie pendant le bien et donne-nous la vie pendant la difficulté aussi. Dunia, ce n'est pas une place que du monde pour gagner 100% facilité pour vivre. Dans Dunia, il y a 100% difficulté et facilité. Dans Jahannam, il y a 100% difficulté, problème, souffrance. Et dans Jannat, il y a 100% facilité, la vie tranquille, plaisir. Mais dunia, il y a difficulté et la facilité. Tout le monde fait la guerre, peut travailler dur, peut faire ses faux, beaucoup, pour vivre bien. Même quand c'est faux pour nous vivre bien, si nous décrétons pour nous malades, nous pour malades, si nous décrétons pour difficulté, pour venir, pour venir. Si nous décrétons tel problème pour venir, pour venir. Si nous décrétons telle facilité pour venir, telle faveur pour venir, pour gagner. Tout le monde peut travailler dur, peut faire maximum ses efforts pour vivre bien 100%. C'est impossible. La vie de l'Union, prenez le bien pour venir et difficulté aussi pour venir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah compte un djimoun, écoute-moi bien. Quand Allah compte avec un djimoun, il envoie une difficulté le holi, il teste sa djimoun là. Ça veut dire qu'un djimoun, Allah peut compter avec lui, il peut gagner un test, il peut gagner une difficulté. Et il a aussi un djibien pour lui. De n'importe qui situation qu'il nous aide, il a un djibien pour nous là-dedans. Quand Allah compte un djimoun, il peut gagner de la vie une difficulté et aussi facilité. Allah peut tester le djimoun là. Et si un djimoun, dans son avis, il dit qu'il y a plein de difficultés, il a tout le temps facilité, il dort bien, connaît Allah, va me satisfaire avec lui. La vie d'Ounia, c'est un test. Quand nous sommes sincères avec Allah, Allah peut tester nos iman, Allah peut tester nos yakin, nos convictions, l'oli, Allah Ta'ala peut tester nos attachements avec lui. Une fois que tu es dans Michel, madame, écoute-moi bien. Tu es bien content. Michel, madame, il a l'amour sincère. Qui ça veut dire l'amour? L'amour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu m'as déjà expliqué, non? Bollywood t'a expliqué? Ou bien Hollywood? Bon philosophe, il donne 30 significations, définitions de l'amour. Il n'y a pas mon sujet, en passant mon djali. Ban roulama, ban savant, ban intelligent, ban kishaz. Je prends tout ban philosophe, je recherche. Je dis qu'il l'amour, un Michel Lévy pour plaisir à son madame, un madame Lévy pour plaisir à son Michel. Alors, ça, Michel, madame, là, je suis bien content. Tu lui as donné un bel attachement. Un jour, Michel, là, ben, dormi dans le lit. L'IP gagne soif. Lui dit à ce madame, amène un peu de l'eau pour moi. Madame là prend un récipient de l'eau, vini. Quand il arrive, quand Lily, quand son Michel met de l'eau, il trouve son Michel qui a sommeil. Il débouté avec son récipient de l'eau, quand Lily devant son Michel. Ce Michel a sommeil. Si tant lui compte son Michel, il respecte son Michel. Si tant lui occupe son Michel bien, il ne parle pas de rendre son Michel pour donner de l'eau de son grand sommeil. L'une des bouts que Lili attend son Michel levé. Donne-moi bien là. Madame Abbeville, plaisir à son Michel. Quand son Michel se sommeille cassé, il a trouvé son madame avec elle. récipient de l'eau qu'on dit libertane. Chomichène beaucoup content, beaucoup satisfait. L'incontent avec l'action de son madame qui ne vient là. Un récipient de l'eau côte Lili, libertane, Chomichène levé. Chomichène, j'allais comme ça, me satisfait beaucoup avec toi. Me content toi beaucoup. Me promets-toi ce qui te demande, moi aussi, me capable, me donne-toi. Madame, je suis content, Chomichène propose, dit. Me promets-toi ce qui te demande, moi, me donne-toi. Madame là, dit, donne-moi ta lac. Qui dit? Paraît drôle là. Il est bien content ce monsieur. Ce monsieur est bien content lui. Ça finit d'arriver l'époque où Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ça a événement là. Il dit comme ça, mais te promets debout ça, debout ce qui me demande debout de moi, mais donne-moi ta lac. Ce monsieur est choc, comment te carrer donne-moi ta lac? Je suis content, toi, tu es content, moi, nous vivons bien, nous satisfaisons l'un à l'autre. Mais tu me demandes à l'âge. Il dit, maquille de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Là, demain, Fajar, tous les demi chez madame, ils sont au pour guetter Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, ma Michel a glissé, elle est tombée, elle est gratte sur le pied, disant qu'on va sortir. Il me blesse, elle est mal. Une difficulté de mini. Madame là tient un châle qui est au lit. Fin suite, dit ça à son monsieur. Fin bandage sur les pieds de son monsieur. Lui dit à son monsieur te connaît. Pas besoin de nous mettre à l'arc dans la case. Il dit à son monsieur. Pas besoin de nous mettre à l'arc dans la case. Son monsieur était mon droit drôle de nous mettre à l'arc la case. Asté en chemin qui va guetter Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes pas besoin de talak. Il dit à son monsieur comme ça, madame là, dit à son monsieur comme ça, mais dans la case, nous suis toi. Quand il arrive à la case, il dit à son monsieur, moi je suis très satisfait avec toi, t'occupes-moi bien, je suis content toi beaucoup, je connais toi aussi, tu content moi beaucoup, nous vivons bien, seulement mon doute de l'iman, je suis dans l'hypocrisie là-dedans. Parce qu'il savait de quelle difficulté. Mon doute de l'iman, attention dans l'hypocrisie là-dedans, tu savais tout à quelle difficulté, toute facilité. Rasulullah s'en dit qu'un djimoun qui a l'air content avec lui, son iman sincère, a l'air content avec lui, Allah pour tester lui, Allah pour avoir des difficultés là lui. Mon tout à qu'il savait de quelle difficulté, mais mon doute de l'iman, attention de te léquer dans l'hypocrisie, pour parler de quelqu'un de Michel comme ça. De quand il a sorti le matin, pour le guetter Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu es tombé, tu as des difficultés, tu es dit ça, tu es sorti, je connais ton iman, c'est ainsi, tu as des difficultés, Allah peut tester toi. Il dit, pourquoi ça avec toi, ce qu'il y a là-bas, difficulté pour mes amis, facilité pour mes amis. Chacun de nous, chacun a sa propre difficulté. Chaque djimoun a sa propre difficulté. Bon frère, chaque situation est un djibien pour nous là-dedans. Un djimoun travaille pas manger, et un djibien là-dedans, Allah connaît qui veut faire. Parce que c'est Allah qui nourrit. Un djimoun tombe malade, et un djibien pour lui là-dedans. Un djimoun, une fille, pas bégaye des demande, Allah connaît qui veut faire, et un djibien pour lui là-dedans. Un garçon qui n'a pas l'âge pour lui marier, il n'y a pas besoin de bon petit fille pour lui marier, et il n'a du bien là-dedans. Allah connaît ce qu'il peut faire. Nous avons tel problème, et il n'a du bien pour nous là-dedans. Nous, madame, avec un petit bébé, et il n'a du bien pour nous là-dedans. Allah connaît. Nous, madame, avec un juste garçon, et il n'a du bien pour nous là-dedans. Nous, madame, avec un seulement petit fille, et il n'a du bien pour nous là-dedans. Dans toute situation, Allah fait le bien, et il peut faire tester nous aussi. Et il n'a du bien pour nous là-dedans. Dans sa facilité-là, il y a un test pour nous. Dans sa difficulté-là, il y a un test pour nous. Dans la facilité-là, il y a un du bien pour nous. Dans la difficulté-là, il y a un du bien pour nous. Alors, chaque situation, il y a un du bien pour nous. Allah connaît qui du bien pour nous. Parfois, mon frère, quand nous avons une difficulté, ou bien nous avons un qui nous fait droit. Vraiment, si. Vous avez demandé qu'Allah, non? Nous trouvons, nous ne devons pas accepter, nous plaindre. Allah connaît meilleur pour nous, il ne peut pas nous. Parce que Allah pas écoute nous. Allah meilleur nourrisseur, celui qui karim, qui généré, qui compte à donner. Parfois, nous disons, même ça, mais ferme-toi, mais tout, mais tout, mais tout. Allah connaît meilleur. Les papiers donnent toi, il y a un chito pour toi. Les boutons de qui meilleur pris toi de l'avenir ou bien après l'amour. Allah qu'on meilleur. Donc Allah pas fin de décréter pour nous gagner quelque chose. Et n'a dit bien pour nous là-dedans. Écoute-moi l'histoire, écoute-moi bien. Et n'a Michel, madame, une mariée, vit bien. Madame, tu souhaites quels enfants? Allô, il fait deux avec Allah ou Allah, fais-nous un petit bébé. Madame, tu es enceinte. Les gars, premier petit bébé. Les gars, une petite fille. Bad Moussali, c'est comme l'histoire, là, c'est un peu rire. Madame, tu as une petite fille. C'est là que tu as une petite fille? Allah. C'est là que tu as un garçon? Allah. Tu fais Allah qui donnait? Garçon Allah qui donnait, tout suffit Allah qui donnait, tout garçon Allah qui donnait, Allah pardonne ce bébé aussi, Allah connaît ce qui est meilleur pour nous, il est du bien. Allah connaît ce qui est meilleur. Hier, moi, j'ai une maman, hier, avec moi, il a deux filles. Astère, quand il tombe enceinte, il a gagné un tracas dans un endroit, puis dans ma zite. Il a raconté moi hier, dans un endroit, puis dans ma zite, il y a là, si vous avez un garçon, écoute-moi, vous lui faites la masse. Pas comme il y a la dunia là, hein? Qu'est-ce que vous avez vraiment, maman, comme elle dit? Bébé, pas comme il y a la dunia là. Peut-être qu'il y a un tracas. Peut-être qu'il y a là, si moi j'ai un garçon là, écoute-moi, je fais la masse. Écoute ça, on voit qui dit, je fais la masse pour vous. Maman, là, j'aime faire un niyad, même ma zid, là, on voit qui dit le tout. Là, vini, garçon, vini. Tracas là. Peut-être qu'il y a son masse là. Mon bébé, c'est ça qui fait la masse. Maman là, ce garçon, moi j'élève ça. Il y a moi souvent. Tous les semaines, il y a moi. Mes bons enfants. Hein. Après quelques temps, le bébé là finit prendre naissance. Allah fait ranger le mazid costière sur la case. Douleur, l'amour. L'amour pour Ibadat dans la créée situation. Fait le mazid ranger costière sur la case. La cour mazid sur la cour et la porte au milieu. Il y a le bébé qu'on maman là. Quand on a déjà l'amour pour Akhirat, l'amour pour Dine, Allah ouvre mille la porte pour vous. Bébé, pas encore venu, pas encore venu, il y a un tracas. Qu'est-ce que vous faites la masse? Alors, tu as mis chez madame, les enfants qui viennent, qui gagnent? Il y a une fille. Astère, pour gagner le petit bébé, il fait droit, il y a la tête de un garçon. Il y a une fille de un garçon. Déjà, un petit bébé venu, une fille est venu. Allah qui donne une fille, Allah qui donne un garçon. Fais droit, le troisième enfant quand vous venez, madame tombe enceinte, troisième enfant, il y a là de nouveau un garçon. Les madame là couché, troisième petit fille est mini. Il dit non, mais c'est pas là pourquoi le garçon vous venez. Madame tombe enceinte, quatrième fois, fais droit, il y a là, fais nouveau un garçon. Fais le vin Hafiz, fais le vin, etc. Le quatrième, madame là couché, petit fille qui vient. Tracas là, t'es content qu'il y ait un garçon? Allah connaît ce qui est meilleur. Allah connaît ce qui est meilleur. Allah parle de difficultés. Allah parle de facilités. Allah parle de nous de taklif. Allah connaît le texte pour pardonner nous. Allah connaît nous puisque tout le monde connaît nous. Allah connaît nous puisque tous les rois connaît nous dans le monde. Allah connaît nous puisque tout le gouvernement connaît nous. Allah connaît nous puisque tout le politicien dans le monde connaît nous. Allah compte nous puisque tout le monde, Allah on nous dit bien, nous facilite. Quatrième qui est venu? Tu veux dire? Tifi. Fais du aïe Allah, fais nous faire le cinquième enfant qui est venu. Fais nous gagner un garçon. Maintenant, tu es enceinte, les petits bébés viennent, Tifi, Tifi viennent. Par contre, Allah compte meilleur. Sixième goût, madame, tu es enceinte. Y'a Allah, c'est mon quoi, garçon, vous venez à Allah, c'est là. Nous me content, garçon, venu. Je veux dire, un papa qui a deux ou trois filles, mais combien de filles y en a? Les grands, ils m'en ont d'ordine, fais un gars cinq fois la masse pour vous de la vie. Les bois avec le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, haditha. Mais celui qui met la filles dans ce garçon, satisfait Allah ce décret dans mes yeux là-dedans. Alors si j'aime qu'il vienne, suffit. Bah il a commencé en colère. Mais madame qui fait un petit bébé, qui a un petit garçon, Allah, bah il a Shaitan Zéoli, ou à 60 de son esprit, il dit si c'est un enfant, il a un enfant, il a un petit fils, il fait un niable de talak. Pas de talak, non. Il fait un niade. Si tu es venu, je crois que tu es venu à la caste. Trop beaucoup de filles venir. Pas d'accord. L'infernillade, si madame se tient fort pour gagner une fille, tu gagnes? Talak. Ça fait un bon monsieur, comment dire? Bourreau. Un imbécile, déjà. Madame l'enceinte, elle nous a mis la main de l'homme à soir. Il est arrivé quand il y a un matin venu. Écoute-moi bien, hein? Il est arrivé quand il y a un matin venu. Il est condamné pour Jahannam. Il fait beaucoup de désobéissance à Allah. Jésus au Bakar, mais Jésus là. Il est condamné pour Jahannam. Les Palestiniens prennent lui parmi les premiers de la peau de Jahannam. Les tout premiers tifis qui tu prends naissance là devant la peau, tu peux s'y rentrer. Subhanallah. Tifis pour te bonner, hein. Et tifis est une barakat. Allah seul descend dans la case qui est natifi. Premier la peau, premier tifis, on peut s'y rentrer. Il y a un soulagement de rêve. Les soulagés, arrive déjà dans la peau de Jahannam pour y rentrer. Ce deuxième petit fils, on peut s'y rentrer. Arrive troisième la peau de Jahannam. Ce troisième petit fils, on peut s'y rentrer. Il y a un bel soulagement. Il y a un petit fils là. Dans le rêve, il continue, il arrive le quatrième la peau de Jahannam. Ce quatrième petit fils, on peut s'y rentrer. Arrive le cinquième, sixième la peau de Jahannam. Tous les deux cinquièmes, ce cinquième petit fils, on peut s'y rentrer. Barrer les barades de Jahannam. Parce que le petit fils amène le bonheur. Si j'aime la voix de Jahannam, Falista Prali, dans le rêve, ça va mettre le bras de Jahannam, les trous, ce sixième tifi, petit tifi là, en pêche les rats de Jahannam. Il connaît cette chambre, il vous l'arrive là. Parce qu'il n'y a pas de grand-d'un qui tifi, non. Il nous fait un doigt pour dire là, si vous aussi, ce niyad gené, si madame gagne tifi quand même, il vous donne. Talak, l'IPP est dans le rêve, septième la faute finie, barbade, la guerre, ce sommet de casse en place. Il y a six jeunes blogs, il y a là, pas de voix, tu finis, pas de bagarre, je ne vois pas. Pas de. Ce sommet cassé, il dit, il y a là, pas de bagarre, je ne vois pas. Allah connaît ce qui veille pour nous. Allah connaît ce qui veille pour nous. De n'importe quelle situation qui nous était, accepter des crédits d'Allah. Dans n'importe quelle situation, acceptez le décret d'Allah. Nous sommes malades, Allah se décrit. Problème venu, Allah se décrit. Facilité venu, Allah se décrit. Dans n'importe quelle situation qui arrive nous, Allah nous connaît qui fait la meilleure pour nous. Tourne vers Allah, rentre plein d'ibadat, n'a pas désobéi à Allah, vive pour Allah son plaisir. Tu veux qu'il t'a pas enlevé, Inch'Allah. Parfois, Allah de nous mal difficulté, pas de maladie. Pas de problème pour rester avec lui. Moi, il y a de l'histoire. Faites-moi aussi faire lui. Mon frère n'est pas qui difficulté vini, résoudre avec Allah. C'est lui moyen. Mais l'attachement avec Allah. C'est Allah qui vous résout. Médicaments nous prend, mais pas médicaments qui fait bien. Allah qui fait bien. Nous sommes docteur. Docteur, ben a pouvoir pour tuer un malade. Docteur, ben a pouvoir pour donner guérison. Ça qui donne guérison? Allah qui donne guérison. Lui donne chifa. Problème vini, problème finance, c'est là qui rani, c'est là qui riche, Allah. C'est là qui résout le problème, c'est là qui donne, c'est là qui donne riche, Allah. Nous servis moyen, nous travaillons, nous faisons tout, mais Allah qui donne. Mais quand nous obéissons à Allah comme un bisin, nous ne pas pour désobéir à Allah, nous sommes sincères avec lui, nous sommes Allah prêts avec lui. C'est là où lève la main, on demande. Un djibout qui sont Allah loin avec lui, pas on demande. Eh, pour gagner, vous gagnez même ça. Il y a du tout là. Pour gagner, pour gagner. Même ça, il n'y a pas de gagner. Alors, respectez le ibadat Allah, n'a pas raté un namaz. Un djimoun qui rate un namaz, il y a vite difficulté le lit. M'aurait dit, un djimoun qui rate un namaz, les fiers bandes de l'islam gagnent la force pour dominer les musulmans. Musulmans, il y a un peuple qui faut. Faut. Le monde tremble en eux. Mais c'est moi quand je m'agite vite quand il rate la maline faible. Une fois dans une maman, il y a le Coran. Écoute-moi bien. Libéré sur le Rahman. Il est prêt pour terminer sur le Rahman. Ce petit bête à 6 ans, puis il a joué dehors dans la cour. Là, il peut ouvrir la porte le dos, il ferme la porte le dos, il crase sur les doigts avec la porte le dos, les doigts au milieu de sur la main, fin sorti, coupé avec sur la main, puis appendu avec la peau. L'histoire vraie est arrivée. Papa là, quand le bébé a crié, 6 ans, il y en a, les doigts sont détachés avec la main, puis appendu avec la peau. Papa, là, galopé, prend ce médecin, mettez le dos, rentre direct au docteur. Là, rentre au docteur, le docteur dit non, rentre l'hôpital vide, grave. Maman, là, il me continue le Coran, il ne connaît pas qui est arrivé. Ce servant, galopé, il dit comme ça. Qui ne connaît pas qui est arrivé, qui arrive, petit bêta. Il ne prend pas ce servant, il continue, termine ce surah Rahman, il peut lire. Quand il termine, c'est un bout pour terminer, il vient avec ses voix qui n'avaient. J'ai bêta ou bêta sur les doigts, sorti depuis sur la main. Et au Michel, il ne prend rien à l'hôpital. Maman décide de prendre le doigt de l'hôpital. Rentre l'hôpital, docteur fait une coup de la main là, détaché de là, avec la peau là. Fait une coup de la main là avec, pardon, fait une coup de les doigts là avec sur la main, avec l'attention qu'il n'est capable de recommencer le travail, resservi. Après des jours, maman l'avait pleuré. Le docteur fait. Qu'est-ce qui est meilleur pour mon garçon, guetter. A trouvé après des jours, après non, a trouvé qui les doigts là, pas capable d'assister. Docteur dit, mais c'est pas, vous êtes chez les doigts là. Maman a pleuré, maman sur les qui a. Il parlait qui sont bêtement gagnent les doigts, 6 ans et an. Docteur, qu'est-ce qui vous a fait, docteur. Mon parle qui mon garçon, le soleil, gagne les doigts. Il met, fini coup de lit, il met bandage. Après des jours, quand il y a bandage, elle trouvait qui sur les doigts une gaille affection, sur la main une gaille affection, les doigts me donnent le dé, elle n'est pas assistée avec sur la main, elle me donne la main une gaille affection, docteur, ben docteur, tiens, maman là comme ça, madame là comme ça, bizarre, dans 24 heures de temps, pour bizarre, coupe la main au garçon, ce poignet. Elle a pleuré, lesquelles maman ça, j'ai docteur, qu'est-ce que je suis capable de faire? Tout un moyen pour faire ça affection-là aller. Fait téléphone un grand docteur spécialiste, plus grand docteur de l'hôpital. Docteur est venu dire même pareil que moi, le docteur bizarre, coupe de 24 ans. Si pas coupe ça la main là, infection pas de sur la vous monter, vous pouvez couper ça contre les épaules. Maman l'a pleuré, dit docteur guide, non, docteur Colette dit au monde, pas pour qu'elle fait rien, si attend plus que 24 ans, pour bizarre coupe les bras au garçon. Maman se dans l'hôpital. Il dit, oh Allah, il cause qu'Allah. Mon gars, le plus meilleur docteur de l'hôpital, pas le papier qui a fait rien. Il dit, oh Allah, ça événement-là est arrivé comme tu peux lire ton Coran, ton kalam, qui sera Al-Rahman. Il dit, oh Allah, ça une maman sur le quai pour son bêta là. Il dit, oh Allah, ça événement-là est arrivé comme tu peux lire ton kalam, ton Coran, ton parole. Oh Allah, mon gars, combien de docteurs, personne. Papa, qui va faire rien. Oh Allah, le monde contrôlé pour toi. Toi, tu fais ce qui t'a envie. Tu donnes maladie quand tu as envie. Tu donnes guérison quand tu as envie. Oh Allah, fais mon bêta sur les doigts vite pareil comme avant. Mon bouli, un jour, un khatam le Coran jusqu'à demain. Dans 24 ans, tu as coupe poignet là. Il dit, oh Allah, mon bouli, un khatam le Coran. Oh Allah, tu ne peux pas la quatre paroles de Coran. Fais mon bêta sur la main, bimbo. Fais sur les doigts, restez assister avec sur la main. Madame l'a raconté, elle dit, écoute-moi bien. Madame l'a raconté, elle dit, pendant 17 ans, après 17 ans, moi que mon Michel, nous faisons Khatam al-Quran. De Khatam al-Quran, nous nous faisons doigt. Quand docteur nous tient bandage, docteur avant, juste pour consoler maman là, fait une donnée de comprimé, vous donnez ce bêta avec un fiole d'étoile. Madame, il rentre dans Tilawad pendant 17 ans, il commence son namaz parmi, et Michel, papa, il rentre dans Tilawad 17 ans, tu le termines le khatam le Coran, tu le dis, jeune fille adulte pleure avec Allah, Allah qui compte dans nous, puisque tout le monde compte dans nous, Allah qui donne Shifa, Allah qui donne guérison, le docteur tient bandage, docteur gars, il sort, lui tout l'affection finit, allez, la main peut coster avec la main, pardon, les doigts peuvent coster avec la main, après quelques jours, il n'y a aucune trace, les doigts correctes et la main correcte. N'importe quelle difficulté qu'il y a, Tourne vers Allah, le seul Allah qui condamne les doux du bien. Tourne vers Allah, n'a pas désobé Allah. Vive pour Allah, Allah fait facile pour nous, problème pour résoudre. Difficulté pour Ena, facilité pour Ena. Dans le monde de tests, tout le monde, chacun a son problème. Chacun a ses difficultés. N'a pas rentré dans les difficultés quand on noie là-dedans. Tourne vers Allah. Cessez avec Allah. Allah qui fait. Personne ne va faire. Servis moyen. Mais tourne vers Allah, qui Allah qui fait. Allah sur la main pour descendre l'eau. Dernière histoire, nous terminons. Écoute-moi bien. Dans le vide un peu. Dans l'Arabie Saoudite, dans l'armée, un jeune. Il gagne coup de balle par accident. Ça, événement par raconté par un docteur. Docteur, il y a un savant dans son hôpital, il y a son masjid pour lui, bien pieux. Belle la barbe, les hommes, Il y a un imam dans son masjid dans l'hôpital. Il raconte ça quand met sa jeune là de la table d'opération, il sans connaissance, là il gagne coup de balle, il tombe sans connaissance, quand Pérodé coup de balle là aidé, il sent comme un saut, il se met cassé. Il rentre dans l'état de conscience. Il commence conscient qu'il va avec, il se lève, il se met cassé. Là il trouve balle là, Pérodé, comment on va dire, balle là, il dit à docteur, pas besoin de faire le nécessaire, pas besoin de faire trop de balles là, je connais mon père là, je vais trouver une place pour parler bientôt. Docteur raconte beaucoup de cas qu'il a gagné, ben des gens disent que je peux aller. Et il y a beaucoup de cas, ben des gens qui parlent mot, je dis que je vais tout ange de punition, de hasard, de venir. Ça aussi est là. Il dit à mon connaître, mon père, pas besoin de tirer mon balle. Mon père, le mot, là, vous mettez vos places que ça m'a vu aller. Il dit, fais appel, mon maman, papa. Docteur dit à mon gars, il choc, mon l'homme, il courait dans mon lycée, ma parole, sa jeune là, mon qui n'était pas en arrière, mon fait appel sur maman, sur papa. Sur maman, papa, vient venir un jeune garçon dans l'armée. Les mamans viennent venir, il prend la main, il met le sur papa, sur la tête. Il dit, papa, pardonne-moi. Dis-moi, pardon pour moi, pardonne-moi, je me contente beaucoup. Il prend sur la main, il met le sur maman. Il dit, maman, pardonne-moi, je me contente beaucoup. Il prend dès la main sur maman, sur papa, il pose sur l'équerre. Il dit, maman, papa, ya Abi, ya Oumi, oh mon maman, oh mon papa, je me contente beaucoup. Jamais je ne désobéis à eux. Pardonne-moi, dis-moi, pardon pour moi. Je compte dans un bouc. Comment il finit de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Abdou wa Rasoul intikhal en place. Docteur Gaïsok, docteur fait des demandes sur maman, sur papa, mais raconte-nous la vie au garçon. Raconte-nous la vie au garçon. Comment il dit? Papa l'a dit, écoutez, mon frère, sa garçon là reste dans Riyad. Que t'as-tu resté? Riyad, que nous guettons? L'endroit plus mal propre dans le monde arabe, c'est Riyad. L'endroit plus mal propre dans le monde arabe, c'est Riyad. Prostitution, la drogue, van l'alcool, moi halal lola, van whisky, moi halal lola, la chanson, dans l'Arabie, si tiens ma Kamadina, fini. Parmi les mondes arabes, pays plus mal propre dans le monde, c'est l'Arabie Saoudite. Toujours, on dit à l'Arabie, un pays franc-maçon, l'Arabie peut faire ses efforts pour préparer l'arrivée de Dajjal. La police, son emblème, c'est un lycée. Dans l'université, son emblème, un lycée. Tout le monde, secteur, dans le ministère, un lycée. L'Arabie peut préparer l'arrivée de Dajjal. C'est le lycée. Riyad, l'endroit plus mal propre de l'Arabie. Sa jeune là, grandit à l'endroit là. Papa l'a dit à mon garçon, qu'est-ce qu'il dit là? Mon garçon, depuis petit, jamais finement que Namal Fajar. Bonne parole, écoute-moi. Dans ma zid, Pena Jean Jidou. Fajar, tu m'en as jamais dormi. Parce que tu l'as wifi à soi. Je t'ai le wifi à soi. Le tiers wifi de la case, vous êtes. Tirez. Cette danse vous enfants. Il dit à mon garçon depuis petit, jamais finira dans ma fajar. On est à vous ces parents là, qui sont bêtas, sont bêtis, fait fajar. Déjà mon garçon depuis petit, tous les temps, fait attaché avec ma zid. Quand tout bon jeune, je dis, quand tout bon jeune, écoute ma parole, écoute parole là bien. Écoute parole là bien. Quand tout bon jeune, pas fréquente ma zid de Maurice. Maurice qui va venir comme un cachemire. Fichier génération fini. Si mon jeune, mon parent, pas fier de sa fréquente ma zid, Maurice qui va venir Ben Berma, Bermani. Que pas venir en Tchétchène, la Syrie, en Yémen. Fichier génération nous barbade là. Ben à jeune de ma zid. L'idée mon garçon de Bichipchi. Tout le temps seul, tu dois y aller avec ma zid. L'idée mon garçon de Bichipchi. De Bichipchi, il n'y a pas de courant, il n'y a pas beaucoup de courant avant qu'il. Quatrième, il dit à mon garçon, depuis petit, il y a ta sec, ta hadjout. J'ai fait une parole. Cinquième, il dit, dans l'école de la médecine, mon garçon, tout le temps sorti premier. Bon frère, difficulté pour venir, facilité pour venir, vie pour Allah son plaisir. N'a pas désobéi Allah. Plus grand ibadat qu'il y en a, attends-moi bien là. Plus grand ibadat qu'il y a, c'est pas désobéir Allah pour faire péché. Père nous péché plus qu'il nous l'a mis. Aujourd'hui, il y a seulement télévision. Qui moussalman attaché à la télévision plus qu'il courant. Fais mentir. Livre les mentir. Moussalman attaché à la télévision plus qu'il courant. Seulement avec télévision. Comment péché du monde vient. Depuis télévision rentre dans la case. Le mal, il dépasse le bien. Allah va nous faire ça. Fais musulman comprendre. Si musulman dans le monde entier, bonne parole, maman, papa, pas faire des efforts. Vous êtes sur la famille de 5 fois de masse par jour. Future génération, nous va détruire. Difficulté pour nous. Masjid, Fadjad, pas 12 enfants du tout. Aucun namat tout quelques années qui viennent. Là, c'est Faraz Ali. Allah t'a donné musulman Hidayat dans le monde entier. Faites tout musulman, mille chèques, fin de masse, bonjour. Faites tout musulman, mille chèques, fin de masse, bonjour. Descends de rahmat de musulman. Comme masjid pour plein, donne-moi bien là. Comme masjid pour plein, le monde, le système, vous changez. L'autorité, vous n'avez pas de inshallah. Allah t'a donné mon temps, vous faites mal, l'eau, inshallah. Wa sallallahu alayhi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alameen, bi rahmatika ya arhamar rahmin. Faites sunnah dans le fait. تبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات